Chapitre 11. Le combat pour la cause d'Allah. Allah Ta'ala dit: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Allah est en vérité avec les bienfaisants. Sourate 29, verset 69. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. Sourate 15, verset 99. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Sourate 73, verset 8. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate 99, verset 7. Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès d'Allah. Vous le retrouverez auprès d'Allah, meilleur et plus grand en fait de récompense. Sourate 73, verset 20. Et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. Sourate 2, verset 273. Les versets concernant ce chapitre sont nombreux et bien connus. 95. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Allah Ta'ala dit: Je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes pieux serviteurs, Wali. Mon adorateur ne se rapproche pas de moi par un acte qui me satisfait autant que celui que je lui ai imposé. Et mon adorateur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes d'adoration volontaire, nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Lorsque je l'aime, je deviens alors son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit, et son pied avec lequel il marche. S'il me demande, je lui donne, et s'il cherche protection auprès de moi, je la lui accorde. Al-Bukhari. 96. Selon Anas, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi ce qu'il rapporte de son Seigneur, Azza wa Jal, a dit: Lorsque mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Lorsqu'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. S'il vient à moi en marchant, je viens à lui avec empressement. Al-Bukhari. 97. D'après Ibn Abbas, radiallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: Deux bienfaits d'Allah ne sont pas appréciés à leur juste valeur, la santé et le temps libre. Al-Bukhari. 98. D'après Aïcha, radiallahu anha, le prophète, alayhi salatu wassalam, priait la nuit au point que ses pieds se fendillaient. Elle lui dit: Ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu tout cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Il répondit: Est-ce qu'il ne m'appartient pas d'être un serviteur reconnaissant? Al-Bukhari, dont c'est la version, est muslim. Un hadith semblable se trouve dans leurs deux recueils authentiques, Sahihain, selon un récit d'Al-Mughira ibn Shu'bah. 99. D'après Aïcha, radiallahu anha, lorsque venaient les 10 dernières nuits de Ramadan, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les passait en prière, réveillait sa famille, redoublait d'efforts et serrait son pagne, s'abstenait de tout rapport sexuel avec ses épouses. Al-Bukhari et Muslim. 100. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Le croyant fort dans sa foi est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, et dans tous les deux, il y a un bien. Cherche ce qui t'est bénéfique et demande l'aide d'Allah, ne baisse pas les bras. Et si un mal quelconque te touche, ne dis pas « Si j'avais fait telle ou telle chose, il se serait produit ceci ou cela », mais dis plutôt « C'est ce qu'Allah m'a destiné et il fait ce qu'il veut ». Car avec des « si », on ouvre la porte à Satan. Muslim. 101. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: L'enfer est voilé par les passions de ce monde et le paradis est voilé par les devoirs religieux. Al-Bukhari et Muslim. 102. Abu Abdillah Hudhayfa ibn al-Yaman al-Ansari, radiallahu anhu, rapporte. J'ai prié une nuit avec le prophète alayhi salatu wassalam qui entama la prière en récitant la sourate la vache. Je me suis dit, il va certainement s'incliner après 100 versets. Mais il poursuivit la récitation. Je me suis dit, il va certainement la réciter entièrement dans cette raka'a. Mais il entama la sourate les femmes, qu'il lut entièrement, puis la sourate la famille de Imran, dont il acheva la lecture. Il lisait soigneusement, glorifiant Allah, l'invoquant ou cherchant sa protection chaque fois qu'il récitait un verset contenant une glorification, une invocation ou invitant à rechercher la protection d'Allah. Puis il s'inclina en disant « Gloire à mon Seigneur le Très Grand, Subhana Rabbi al-Azim ». Son ruku', la position inclinée, était aussi long que son qiyam, la position debout. Puis il a dit « Allah entend celui qui le loue. Ô notre Seigneur, louange à toi. Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd ». Il se releva puis resta debout presque aussi longuement qu'il s'était incliné. Ensuite, il se prosterna en disant « Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. Subhana Rabbi al-A'la. » Sa prosternation était presque aussi longue que son qiyam. Muslim. 103. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, rapporte. J'ai prié une nuit avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Il se tint debout si longtemps, dans son qiyam, que j'ai failli commettre une mauvaise action. On lui demanda « Qu'as-tu failli faire ?» Il répondit « J'ai failli m'asseoir et le laisser continuer seul. » Al-Bukhari et Muslim. 104. D'après Anas, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Trois choses accompagnent le mort jusqu'à sa tombe. Sa famille, ses biens et ses œuvres. » Deux en reviennent, sa famille et ses biens, et une reste avec lui, ses œuvres. Al-Bukhari et Muslim. 105. D'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Le paradis est plus proche de l'un d'entre vous que la lanière de sa sandale, et il en est de même de l'enfer. » Al-Bukhari. 106. Abu Firas Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami, radiallahu anhu, le serviteur du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et l'un des gens de la Suffa, endroit de la mosquée du prophète où habitaient les pauvres, rapporte. Je passais la nuit chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui apportant l'eau de ses ablutions et ce dont il avait besoin. Une fois, il m'a dit, « Demande-moi ce que tu veux. » J'ai dit, « Je te demande ta compagnie au paradis. » Il dit « Rien d'autre ?» Je répondis « Non, rien d'autre. » Il dit « Aide-moi contre toi-même en multipliant les prosternations. » Muslim. 107. Abu Abdillah ou Abu Abdirrahman, Thauban, l'esclave affranchi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rapporte. J'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Multiplie les prosternations, car tu ne te prosternes pas devant Allah sans qu'il t'élève par cela d'un degré et efface par cela l'un de tes péchés. » Muslim. 108. D'après Abu Safwan, Abdullah ibn Busr al-Aslami, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui vit le plus longtemps en faisant le bien. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan ». 109. Anas, radiallahu anhu, rapporte. Mon oncle, Anas ibn Nadr, n'a pas participé à la bataille de Badr. Il a dit, « Ô messager d'Allah, j'ai manqué ta première bataille contre les polythéistes. Si Allah m'accorde une autre occasion de les combattre, il verra ce dont je suis capable. » Lors de la bataille d'Uhud, voyant les musulmans quitter leur position, il s'exclama, « Mon Seigneur, je m'excuse pour ce qu'ont fait ceux-ci, c'est-à-dire ses compagnons, et je renie ce qu'ont fait ceux-là, c'est-à-dire les polythéistes. » Puis il s'avança vers l'ennemi et rencontra Sa'd ibn Mu'adh à qui il lança « Ô Sa'd ibn Mu'adh, je jure par le Seigneur de mon père An-Nadhr que je sens l'odeur du paradis plus proche encore que le mont Uhud. » Sa'd avoua « Ô messager d'Allah, je n'ai pu faire ce qu'il fit. » Anas ajouta « Nous avons trouvé sur son corps plus de 80 traces de sabre, de lance ou de flèche. Nous l'avons trouvé mort et défiguré par les polythéistes au point que personne ne put le reconnaître en dehors de sa sœur qui l'identifia à ses doigts. » Anas poursuivit « Nous pensions que ce verset était descendu à son sujet et à propos des hommes comme lui. Il est, parmi les croyants, des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains ont atteint leur but et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. » Sourate 33, verset 23. Al-Bukhari et Muslim. 110. Abu Mas'ud, Uqba ibn Amr al-Ansari al-Badri, radiyallahu anhu, rapporte. Lorsque fut révélé le verset concernant l'aumône, nous travaillions comme simples porteurs. Un homme vint et fit une aumône généreuse. Certains dirent, il a agi pour être vu des gens. Un autre homme donna en aumône un sa', environ 3 kilos. Ils dirent, Allah peut se passer de son sa' à celui-là. C'est ainsi que fut révélé le verset. Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants qui font des aumônes volontaires et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens. Sourate 9, verset 79. Al-Bukhari et Muslim. 111. Selon Sa'd ibn Abd al-Aziz, selon Rabi'a ibn Yazid, selon Abu Idris al-Khawlani, selon Abu Dhar Jundub ibn Junada, radiyallahu anhum, le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi ce qu'il rapporte d'Allah, béni et exalté soit-il, a dit « Ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider et je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés, sauf celui que je nourris. Demandez-moi donc de vous nourrir et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, sauf celui que je vêtis. Demandez-moi donc de vous vêtir et je vous vêtirai. Ô mes serviteurs, vous péchez de nuit comme de jour, et moi, j'absous tous les péchés. Demandez-moi donc l'absolution, et je vous absoudrai. Ô mes serviteurs, vous n'avez pas le pouvoir de me nuire, ni celui de m'être utile. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et djinns, vous aviez tous le cœur du plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et djinns, vous aviez tous le cœur du plus immoral d'entre vous, cela ne diminuerait rien de mon royaume. Ô mes serviteurs, si du premier au dernier, hommes et djinns, vous vous teniez tous debout sur une même place et me demandiez, et si j'exaucais toutes vos demandes, cela ne réduirait de mon royaume que ce qu'une aiguille plongée dans la mer peut en retirer. Ô mes serviteurs, ce qui importe, ce sont vos œuvres, dont je tiens le compte pour vous, puis pour lesquelles je vous rétribuerai. Celui donc qui trouvera un bien, qu'il loue Allah, et celui qui trouvera autre chose qu'un bien, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Saïd a dit, quand Abu Idris rapportait ce hadith, il se mettait à genoux. Muslim. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, a dit « Il n'y a pas de hadith parmi ceux rapportés par les gens du Cham, Syrie, Liban, Jordanie et Palestine actuelle, plus noble que celui-ci. »